Pages arrachées à Simone de Beauvoir. Texte choisi par Christine Spianti. Deuxième épisode, Mémoire d'une jeune fille rangée, 2, paru chez Gallimard en 1958. C'est arrivé. Me voilà étudiante. J'inaugurais ma nouvelle existence en montant les escaliers de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Je m'asseyais dans le secteur réservé aux lectrices, devant une grande table recouverte de moleskine noire, et je me plongeais dans la comédie humaine ou dans les mémoires d'un homme de qualité. En face de moi, à l'ombre d'un grand chapeau chargé d'oiseaux, une demoiselle d'âge mûr feuilletait de vieux tomes du journal officiel. Elle se parlait à mi-voix et riait. Je dus bientôt me l'avouer, cette année ne m'apportait pas ce que j'avais escompté. Jusqu'alors, je m'étais accommodée de vivre en cage, car je savais qu'un jour, la porte s'ouvrirait. Voilà que je l'avais franchie et j'étais encore enfermée. Chaque soir, je descendais la caisse à ordures, tout en vidant dans la poubelle les épluchures, les cendres, les vieux papiers. J'interrogeais le carré de ciel au-dessus de la courette. Je m'arrêtais devant l'entrée de l'immeuble. Les vitrines brillaient, des autos filaient sur la chaussée, des passants passaient. Dehors, la nuit vivait. Je remontais l'escalier, serrant avec répugnance la poignée un peu grasse de la caisse à ordures. Le meilleur moment de la semaine, c'était le cours de Garrick. Je l'admirais de plus en plus. On disait à Sainte-Marie qu'il aurait pu faire dans l'université une brillante carrière, mais il n'avait aucune ambition personnelle, il négligeait d'achever sa thèse et se consacrait corps et âme à ses équipes. Il vivait en ascète dans un immeuble populaire de Belleville. Il donnait assez souvent des conférences de propagande et par l'intermédiaire de Jacques, mon cousin, je fus admise avec ma mère à l'une d'elles. À 20 ans, nous expliqua-t-il, il avait découvert dans les tranchées les joies d'une camaraderie qui supprimait les barrières sociales. Sur cette base, il décida de créer, entre étudiants et fils du peuple, un système d'échange qui arracherait les premiers à leur solitude égoïste, les autres à leur ignorance. Apprenant à se connaître et à s'aimer, ils travailleraient ensemble à la réconciliation des classes. « Car il n'est pas possible, affirma Garrick au milieu des applaudissements, que le progrès social sorte d'une lutte dont le ferment est la haine. Il ne s'accomplira qu'à travers l'amitié. » Nier toutes les limites et toutes les séparations, sortir de ma classe, sortir de ma peau. Ce mot d'ordre m'électrisa. Je rentrai à la maison exaltée. J'ôtai dans l'antichambre mon chapeau et mon manteau noir, quand soudain je m'immobilisai, les yeux fixés sur la moquette à la trame usée. J'entendis, au-dedans de moi, une voix intérieure. Il faut que ma vie serve. Il faut que dans ma vie, tout serve. Je m'étais inscrite en juillet aux équipes sociales. La directrice des sections féminines me mit à la tête de l'équipe de Belleville. Mais mes nouvelles activités me donnèrent peu de satisfaction. Un soir par semaine, pendant 2 heures, j'expliquais Balzac ou Victor Hugo à de petites apprenties. Je leur prêtais des livres, nous causions. Mes élèves travaillaient toute la journée dans des ateliers de couture ou de mode. Les connaissances, d'ailleurs incohérentes, qu'on leur distribuait n'avaient aucun rapport avec leur expérience et ne leur servaient à rien. Je ne voyais pas d'inconvénient à leur faire lire Les Misérables ou Le Père Goriot, mais Garrick se trompait bien s'il imaginait que je leur apportais une culture. Et je répugnais à suivre les instructions qui m'engageaient à leur parler de la grandeur humaine ou de la valeur de la souffrance. J'aurais eu l'impression de me moquer d'elle. Quant à l'amitié, là aussi, Garrick m'avait berné. L'atmosphère du centre était assez gaie, mais entre les jeunes de Belleville et ceux qui, comme moi, venaient à eux, il n'y avait ni intimité ni réciprocité. On tuait le temps ensemble, rien de plus. Swing, little girl, swing high to the sky, and don't ever look at the ground. Je vis le cirque de Charlot. En sortant du cinéma, je me promenais dans les Tuileries. Un soleil orange roulait dans le ciel bleu pâle et incendiait les vitres du Louvre. Je me rappelais de vieux crépuscules et soudain je me sentis foudroyée par cette exigence que depuis si longtemps je réclamais à corps et à cri. Je devais faire mon œuvre. Ce projet n'avait rien de neuf. Cependant, comme j'avais envie qu'il m'arrive des choses et que jamais il ne se passait rien, je fis de mon émotion un événement. Encore une fois, je prononçais face au ciel et à la terre des vœux solennels. Rien, jamais, en aucun cas, ne m'empêcherait d'écrire mon livre. Le fait est que je ne remis plus en question cette décision. Je me promis aussi de vouloir désormais la joie et de l'obtenir. Je racontais à mes parents que le centre de Belleville préparait pour le 14 juillet une séance récréative, que je faisais répéter une comédie à mes élèves et qu'il me fallait disposer de plusieurs soirées par semaine. Je prétendis dépenser au bénéfice des équipes l'argent que je consumais en jean fees. J'allais ordinairement au Jockey, boulevard Montparnasse. Jacques m'en avait parlé et j'aimais sur les murs les affiches coloriées où se mêlaient le canotier de Chevalier, les souliers de Charlot, le sourire de Greta Garbo. J'aimais les bouteilles lumineuses, les petits drapeaux bigarrés, l'odeur de tabac et d'alcool, les voix, les rires, le saxophone. Je restais convaincue que le péché est la place béante de Dieu et je me perchais sur mon tabouret avec la ferveur qui me prostrait enfant au pied du Saint-Sacrement. Je touchais la même présence. Le jazz avait remplacé la grande voix de l'orgue et je guettais l'aventure comme autrefois j'attendais l'extase. Mon cousin Jacques m'avait prévenu. Dans les bars, il suffit de faire n'importe quoi et les choses arrivent. Je faisais n'importe quoi. Si un client entrait, le chapeau sur la tête, je criais chapeau et je jetais en l'air son couvre-chef. Je cassais un verre par-ci par-là. Je pérorais, j'interpellais les habitués que j'essayais naïvement de mystifier. Je me prétendais modèle ou putain. Avec ma robe fanée, mes gros bas, mes souliers plats, mon visage sans art, je ne trompais personne. Vous n'avez pas la touche qu'il faut. Vous êtes une petite bourgeoise qui veut jouer à la bohème. Me dit un homme au nez crochu qui écrivait des romans feuilletons. Je protestais. L'homme dessina quelque chose sur un bout de papier. Voilà ce qu'il faut faire. Et se laisser faire. Dans le métier de courtisane. Je gardais mon sang-froid. C'est très mal dessiné, dis-je. C'est ressemblant. Il ouvrit sa braguette et cette fois je détournai les yeux. Il rit. Vous voyez, une vraie pute aurait regardé et dit « Mais il n'y a pas de quoi se vanter. » En mars, je fus reçue avec éclat au certificat de littérature. Garrick me félicita. À quelques jours de là, Jacques dîna avec mes parents à la maison. Vers la fin de la soirée, il me prit à part. J'ai vu Garrick avant-hier. On a beaucoup parlé de toi. D'une voix attentive, il me posa quelques questions sur mes études et mes projets. Je t'emmène demain matin faire un tour au bois, en auto. Quel tam-tam dans mon cœur. J'avais réussi mon coup, Jacques s'intéressait à moi. C'était un beau matin de printemps, et voilà que je roulais en auto, seul avec Jacques, autour des lacs. Aimes-tu les arrêts brusques ? Il me riait au visage et je piquais du nez dans le pare-brise. On pouvait donc, à notre âge, connaître encore une gaieté d'enfant. Nous évoquâmes notre enfance, Château Vilain, l'astronomie populaire, le vieux Charles et les boîtes de fer blanc que je ramassais. Comme je t'ai fait marcher, ma pauvre Sim. J'essayais, par phrases hachées, de lui dire mes difficultés, mes problèmes. Il hochait la tête, gravement. Il récita un poème de Cocteau et me donna des conseils de lecture. Il énuméra un tas de noms que je n'avais jamais entendus et me recommanda en particulier un roman qui s'intitulait, à ce que je crus comprendre, Le Grand Môle. Passe donc demain après-midi. Je te prêterai des bouquins. Ce fut Élise, la vieille gouvernante de Jacques, qui m'accueillit. Jacques n'est pas là, mais il a laissé dans sa chambre des choses pour vous. Il avait griffonné un mot. Excuse-moi, ma vieille Sim, et emporte les bouquins. Je trouvais sur sa table une dizaine de volumes aux fraîches couleurs de bonbons acidulés. Des monterlans, vert pistache, un Cocteau rouge framboise, des Barès jaune citron, des Claudel, des Valérie d'une blancheur neigeuse rehaussée d'écarlate. À travers le papier transparent, je lus et relus les titres. Le Potomac, les nourritures terrestres, l'annonce faite à Marie, le paradis à l'ombre des épées, du sang, de la volupté et de la mort. Bien des livres déjà m'étaient passés par les mains, mais ceux-ci n'appartenaient pas à l'espèce commune. J'en attendais d'extraordinaires révélations. Je m'étonnais presque, lorsque je les ouvris, d'y déchiffrer sans peine des mots familiers. Mais ils ne me déçurent pas. Je fus déconcertée, éblouie, transportée. Soudain, des hommes de chair et d'os me parlaient, de bouche à oreille, d'eux-mêmes et de moi. Ils exprimaient des aspirations, des révoltes que je n'avais pas su me formuler, mais que je reconnaissais. J'écumais Sainte-Geneviève. Je lisais Gide, Claudel, Jam, la tête en feu, les tempes battantes, étouffant d'émotions. J'épuisais la bibliothèque de Jacques. Je m'abonnais à la maison des Amis des Livres, où trônait en longue robe de bure grise Adrien Monnier. J'étais si goulue que je ne me contentais pas des deux volumes auxquels j'avais droit. J'en enfouissais clandestinement plus d'une demi-douzaine dans ma serviette. La difficulté était de les remettre ensuite sur leurs rayons, et je crains bien de ne pas les avoir tous restitués. Quand il faisait beau, j'allais lire au Luxembourg, dans le soleil. Je marchais, exaltée, autour du bassin, en me répétant des phrases qui me plaisaient. Souvent, je m'installais dans la salle de travail de l'Institut catholique, qui m'offrait à quelques pas de chez moi un silencieux asile. C'est là, assise devant un pupitre noir, parmi de pieux étudiants et les séminaristes aux longues jupes, que je lus, les larmes aux yeux, le roman que Jacques aimait entre tous et qui s'appelait, non, le Grand Môle, mais le Grand Maulne. Je m'abîmais dans la lecture comme autrefois dans la prière. La littérature prit dans mon existence la place qui avait occupé la religion. Elle l'envahit tout entière et la transfigura. Au lieu de vivre ma petite histoire particulière, je participais à une grande épopée spirituelle. Quelques jours plus tard, je vis pour la première fois de ma vie mourir quelqu'un. Mon oncle Gaston, brusquement emporté par une occlusion intestinale. Il agonisa toute une nuit. Tante Marguerite lui tenait la main et lui disait des mots qu'il n'entendait pas. Ses enfants étaient à son chevet et mes parents, ma sœur et moi. Il râlait et il vomissait des choses noires. Quand il s'arrêta de respirer, sa mâchoire pendait et on noua une mentonnière autour de sa tête. Mon père, que je n'avais jamais vu pleurer, sanglotait. La violence de mon désespoir surprit tout le monde et moi-même. Je ne supportais pas ce regard noyé que mon oncle avait jeté à sa femme juste avant de mourir et où l'irréparable était accompli. Irréparable, irrémédiable, ces mots martelaient ma tête à la faire éclater. Et un autre leur répondait, inévitable. Peut-être moi aussi, je verrai ce regard dans les yeux de l'homme que j'aurai longuement aimé. Les vacances de Pâques s'achevèrent. Dans les jardins de l'école normale, fleuris de lilas, de citis et d'épines rouges, je me retrouvais avec plaisir au milieu de mes camarades. Je les connaissais presque tous. Seul me demeurait hermétique le clan formé par Sartre, Nizan et Herbeau. Ils ne frayaient avec personne. Ils n'assistaient qu'à quelques cours choisis et s'asseyaient à l'écart des autres. Ils avaient mauvaise réputation. On disait qu'ils manquaient de sympathie à l'égard des choses. Vivement anti-Tala, ils appartenaient à une bande composée en majorité d'anciens élèves d'Alain et connue pour sa brutalité. Ses affiliés jetaient des bombes à eau sur les normaliens distingués qui rentraient la nuit en smoking. Nizan était marié et avait voyagé. Il portait volontiers des pantalons de golf et derrière ses grosses lunettes d'écaille, je lui trouvais un regard très intimidant. Sartre n'avait pas une mauvaise tête, mais on disait qu'il était le plus terrible des trois et même on l'accusait de boire. Un seul me paraissait accessible, Herbeau. Il était marié lui aussi. En compagnie de Sartre et de Nizan, il m'ignorait. Mais quand je le rencontrais seul, nous échangions quelques mots. Quand les cours de Brunswick reprirent, après les vacances, il s'installa près de moi. Il me dédia un portrait de l'agrégatif moyen, d'autres dessins et des poèmes. Il m'annonça abruptement qu'il était individualiste. « Moi aussi, dis-je. » Il m'examina d'un air méfiant. « Vous ? Mais je vous croyais catholique, thomiste et social. » Je protestais et il me félicita de notre accord. Il me remit de la part de Sartre un dessin que celui-ci m'avait dédié et qui représentait Leibniz au bain avec les monades. Il m'enseignait la cosmologie eugénique inventée à partir du Potomac et à laquelle il avait rallié Sartre et Nizan. Tous trois appartenaient à la plus haute caste, celle des Eugènes, illustrée par Socrate et Descartes. Je vous le dis, toute pensée de l'ordre est d'une insupportable tristesse. Telle était la première leçon de l'Eugène. Herbeau m'expliquait. L'Eugène cherche à faire de sa vie un objet original et à atteindre une certaine compréhension du singulier. Vous marchez vite, j'adore ça, on dirait qu'on va quelque part. Un après-midi, dans les jardins du Palais Royal, il me dit d'un air perplexe. Nos relations sont étranges. Du moins pour moi, je n'ai jamais eu d'amitié féminine. C'est peut-être que je ne suis pas très féminine. Vous ? Il rit d'une manière qui me flatta beaucoup. Non, c'est plutôt parce que vous accueillez si facilement n'importe quoi. On est tout de suite de plein pied. Les premiers temps, il m'appelait avec affectation « mademoiselle ». Un jour, il écrivit sur mon cahier, en grosses lettres, « Beauvoir égale beaver ». Vous êtes un castor. Les castors vont en bande et ils ont l'esprit constructeur. Bonne chance, castor. Me dit Herbeau de sa voix la plus tendre quand nous nous installâmes dans la bibliothèque de la Sorbonne pour la première épreuve. Je posais à côté de moi la bouteille thermos pleine de café et la boîte de petit beurre. La voix de Monsieur Lalande annonça « Liberté et contingence ». Les regards scrutèrent le plafond, les stylos se mirent à bouger. Je couvris des pages et j'eus l'impression que ça avait bien marché. Herbeau partit le lendemain rejoindre sa femme à Bagnoles de l'Orne. À son retour, dans une dizaine de jours, il préparait l'oral du concours avec Sartre et Nizan, qui m'invitait cordialement à me joindre à eux. J'étais un peu effarouchée quand j'entrais dans la chambre de Sartre. Il y avait un grand désordre de livres, de papiers, des mégots dans tous les coins, une énorme fumée. Sartre m'accueillit mondainement. Il fumait la pipe. Silencieux, une cigarette collée au coin de son sourire oblique, Nizan m'épiait à travers ses épaisses lunettes, avec un air d'en penser long. Quand ils étaient ensemble, les trois petits camarades ne se contraignaient pas. Leur langage était agressif, leur pensée catégorique, leur justice sans appel. Ils se moquaient de l'ordre bourgeois. Ils dégonflaient impitoyablement tous les idéalismes. Ils tournaient en dérision les belles âmes, les âmes nobles et les états d'âme, la vie intérieure, le merveilleux, le mystère, les élites. En toute occasion, ils manifestaient que les hommes n'étaient pas des esprits, mais des corps en proie aux besoins et jetés dans une aventure brutale. Ils ne me demandaient somme toute que d'oser ce que j'avais toujours voulu. Regarder en face la réalité. Pages arrachées à Simone de Beauvoir. Texte choisi par Christine Spianti. Deuxième épisode. Mémoire d'une jeune fille rangée, 2, paru chez Gallimard en 1958. Avec Anne Alvaro, Simone de Beauvoir et les voix de Jérôme Kircher, Samuel Réau, Christophe Allwright. Prise de son, montage, mixage, Olivier Dupré, Cyril Métro, assistante Alexandra Malka, réalisation Christine Bernard-Sugy.